Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Et Antithèse. Juste un gamer. Puis Arcade Rétro. Jonathan. Pour le podcast des Acrones, nous sommes l'édition du 15 avril 2014. Salut tout le monde, comment ça va? Oh, super bien. Même s'il y a de la neige présentement à Montréal, les Acrones sont là pour apporter le soleil, même si c'est le soir. Vous autres, il n'y a plus de neige, il y a juste de l'eau. C'est-tu encore de la faute du maire Labonte, c'est ça? Ben, au moins, ils nous enlèvent notre neige. Il y a des opérations d'éblayage. Il y a du monde qui bouffe la neige à coups de cuillère, man. On fait pleuvoir quand ils font enlever faire des opérations d'éneigement. Fuck on le là-dessus. Ils font une battue d'or, un côté de l'autre, puis on a des cuillères, c'est comme hum, hum, hum, hum. C'était pas à cette rue, comment ça va? Génial. Alors, à quoi vous avez joué cette semaine? Je vais commencer avec Antithèse. Écoute, je continue à jouer avec Strider sur PlayStation 3, dans le fond. Okay. J'ai découvert cette semaine un nouveau jeu freemium. On s'entend qu'à part freemium, je mets en guillemets, de Family Guy. Ok. Qui est dans la même affaire que les Simpsons, là, mais en moins gros. Ok. Sinon, ben écoute, l'incontournable Project Horizon. Évidemment. Juste un gamer de ton côté? Beaucoup de Pokémon X. Énormément, d'ailleurs. Puis, ben, malheureusement, j'ai recommencé à jouer à WoW. C'est ça, le pire, c'est que je me connecte dimanche, puis je le vois. Hey, t'es là, toi? Et comme, ouais, c'est à cause de ma ancienne guild de 2004, là. Je pense pas que ça va durer longtemps. De 2004! Ben oui, c'est la nostalgie qui s'est emparée de moi. Ouais. Il avait envie de redevenir un héros de Azeroth. On s'entend, là, c'est... On peut pas sortir le héros d'Azeroth de nous autres. Étonnamment, j'ai fait plus de pet battles que de raid ou whatever. Oh! Non, je trippe pas ces pet battles, sérieusement. Là, après avoir joué à Pokémon grec, là, je suis comme... Nah, non, c'est pas la même chose. Arcade, de ton côté? Je suis coupable. Blizzard est venu cogner à ma porte et m'a dit tu vas jouer à Hearthstone, man. Il est sur iPad parce que comme vous pouvez voir en arrière si je me tasse, hein, l'angle n'est plus familier, hein, on me voit plus de la même angle de webcam, mais le plancher, en tout cas, tout l'intérêt est tout décalissé. Il va falloir qu'on nous explique un peu ce qui s'est passé là, parce que nos fans. Ah, c'est un plancher. Je vous l'ai dit, vous avez pas vu, regardez, wouh! Mon plan. Ouais, mais, écoute, il y a du monde qui me télécharge en MP3, hein, je te rappelle. Ah, ok, télécharge en MP3, il y a un dragon qui est venu voler mon plafond, puis mon plancher flottant, ok? Le dragon d'eau, il a mis plein d'eau à travers des craques, des fissures, des tuyaux pétés. Puis, non, dans la réalité des choses, il y avait un bruit de tuyau dans la dame qui habite en condo au-dessus de moi. Et toute l'eau de tous les résidents, l'eau fécale, je présume, tombait chez moi. C'est pas de l'eau de caca, c'est de l'eau de la section robinet, puis la vaisselle, puis tout. Puis ça tombe, dans le fond, ça tombe chez moi. Puis tous les propriétaires au-dessus, ben, j'allais les voir, demander de calmer ça. Bref, il a fallu que j'enlève plancher flottant, plafond, muret, puis les travaux ne font que commencer. Fait qu'à un moment donné, je vais faire un podcast live dans un hôtel. Ça va être ça. Comme John Lennon a fait un bed-in, moi ça va être le podcast dans la chambre de lui. Ah, je pensais te voir en canot. C'est une veste de sauvetage au prochain podcast. Joe, de ton côté? Ben moi j'ai encore joué à League of Legends. Donc il y a ça. Correct. Sinon, Minecraft, j'ai recommencé à jouer. J'avais laissé ça de côté depuis un bêche en bout. Hey, on en a enfin un qui joue à Minecraft dans la cour des jeux. Ouh, ouais, je fais du mod. Genre, je joue à des maps modées. Donc, j'ai commencé à faire ça. Sinon, encore Binding of Isaac. Puis, sinon, en fin de semaine, j'ai joué à Drinking Quest. Un petit jeu de table de cartes avec qui tu peux boire avec tes chums de gars. C'est vraiment, vraiment le fun. Si t'aimes l'alcool. Ben, moi, j'aime l'alcool. Et en plus, je suis ton ami. Hey, hey, hey! Ça va peut-être être un prochain board game pour juste un gamer. On verra. Ouais. Et de mon côté, ben écoutez, j'ai joué beaucoup, ces temps-ci, j'ai joué beaucoup à Uncharted 1, j'ai décidé de ressortir ma copie. Faster Than Light, encore une fois, j'ai encore joué proche de quasiment 10 heures cette semaine. Et sinon, je me suis tapé une couple de games de Hearthstone également, c'est vraiment cool, un petit jeu de cartes là. J'ai hâte de voir ce extra masque qu'ils sont en train de nous préparer là, pour comme raid là. Et je suis très intéressé de jouer à ça. Un raid dans Hearthstone? C'est comme un mode solo où est-ce que tu vas dans un donjon, tu vas avoir des boss à combattre avec tes cartes. Ok, mais tu peux te jouer comme en coop. Admettons, t'as un super huge boss, là, tu joues comme ah non, pas un raid, on va être quoi, 8 avec des paquets de cartes en train de battre. Non, c'est en solo. Ok. Fait que non, ça risque d'être très intéressant, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Et sinon, à part ça, c'est assez tranquille de mon côté, j'ai pris du temps pour lire. Oh, ah. Les Playboys, ça compte pas. J'en ai pas de Playboy, j'ai pas besoin de Playboy. Merci, j'espère. Comme vous avez pu entendre Marie-Lune en arrière. Pour les articles, il y a toujours de la bonne rédaction dans les Playboy, dis-je. Ah, t'as d'être au courant, toi? Oui. Oui, oui, c'est ce qui m'a servi à imbiber l'eau par terre. c'est le nombre de mots qui absorbent le plus d'eau. Ah. Alors, les accros de jeu lancent un nouveau concours. Ça va être Twin Date Arcade Retro. Non, c'est dingue, les pages usées de mon Playboy. Encore mieux, dessiner la date idéale pour Arcade Retro et envoyer ça à votre WhatsApp. Ben oui, hein? Envoyez-moi la photo de la fille parfaite pour moi sur la case postale des accros, puis on va faire des vidéos sur chacune des dates. Bon, on commence tout ça? On essaye. Allons-y. Bon. C'est avec les nouvelles de cette semaine dans le monde du jeu vidéo. Alors, pour commencer, qui a rêvé d'avoir une manette Peach? Moi! Oh, moi pas en tout. Marie-Lune, je pense qu'elle veut participer à l'émission. Elle a l'air à être game à embarquer. Non! Ouais, c'est ça, tu sais. Elle devrait embarquer. Ma fiancée Trinity. Ouais, alors, ben, ceux qui désirent avoir une belle manette rose, peuvent maintenant s'en procurer une prochainement, car Nintendo vont sortir une manette Peach Pink. Pink, ou elle a comme des décals, elle a un imprimé, elle a un dessin. Il y a un petit décal sur, à la, où est-ce qu'il est situé le petit speaker dans la manette. Okay. Et la croix directionnelle est jaune. Ok, mais ça se fait, là, ça se shoot, ça. Ça se shoot, mais tu peux en acheter une officielle de Nintendo. Et, ben, si vous avez jamais vous en désirez une, c'est $40 US. C'est pour les collectionneurs, c'est une bonne chose. Tout à fait, c'est une affaire qui n'est pas importante. C'est ça. moi, je. C'est vrai que Marie va se l'acheter si elle veut. On s'entend que c'est une manette pour filles, là. C'est certainement pas moi qui vais l'avoir dans la main. Ah, come on, c'est pas je suis sexy, man. Je veux dire, les gars qui aiment pas une manette rose. À moins qu'il y en ait une de Daisy qui sort. À ce moment-là, peut-être plus. Ah. Ah. Vous avez pas entendu Marie? Manette de Daisy qu'elle aimerait plus avoir. Elle veut une manette de Daisy. Alors... Elle est plus Daisy. Bon, c'est rare qu'on parle de cette console-là au podcast des accros, mais on va en parler. Veux pas, il y a une couple de JRPG qui sort sur la Vita. Il y a du monde qui joue à Vita. Il y a des jeux sur la Vita. La Vita voudrait peut-être, je dis bien, peut-être la peine d'être achetée pour Ease 4, fac. Pour quoi? Le jeu Ease. C'est quoi ça? Y'S. Ah, Wise. C'est ça le problème, c'est que tout le monde appelle ça Wise. La vraie prononciation, c'est Ease, croyez-le ou non. Moi, je suis estomaqué parce que j'ai toujours aussi appelé ça Wise. On appelle ça Wise pour qu'on se remette au monde depuis 15 ans. Fait que Wise 4 est exclusif pour la PS Vita. Que dans le fond, la PS Vita vaudrait peut-être, je dis bien, peut-être la peine si vous êtes un fan de Wise, parce que Wise 4 n'est que disponible sur la PS Vita. Ok, ok. Mais Wise 4, il n'est pas déjà sorti auparavant, parce que ça me semble qu'on est rendu à Wise 7. Justement, c'est le Wise qui n'est jamais sorti en Amérique, et c'est la première fois avec, comme tu sais, sur la Vita. Wise 1 et 2, tu l'avais sur Sega. Wise 3, c'est celui sur Super Nintendo. Wise 4, ils l'ont sauté. Ark and Nephesis, que je pense est le 5, qui était sur PlayStation 2. 6 et 7 sont sur la PSP originale, mais Wise 4, non, même si tu vas sur le site officiel de Wise, sur le wiki de Wise, ils vont spécifiquement dire que le 4 n'est jamais sorti en Amérique à part sur PS Vita. Même que sur la pochette de la PS Vita, c'est même indiqué un insigne du genre pour la première fois en Amérique du Nord, Wise 4! Ah ben. Fait que, non, il y a un nouveau RPG qui va être localisé, donc le jeu est déjà sorti au Japon, mais il n'est jamais sorti ici. C'est Soul Sacrifice Delta, qui vont renommer ici Soul Sacrifice Remake, et un nouveau JRPG qui s'appelle Oshirika Tainted Bloodline. Oshirika Tainted Bloodline, le jeu, ça se passe, c'est que vous contrôlez un clan de guerriers japonais, puis vous avez une curse sur votre clan, que si vous ne réussissez pas à enlever la malédiction sur votre clan dans un temps de 2 ans, ben, tout votre clan meurt. Donc, vous avez du temps dans le jeu pour essayer de, finalement, enlever la malédiction. Comme un stress de vie dans un jeu virtuel? Ouais, à peu près, genre. Ok. Pas que ça. Ça a l'air très intéressant. Est-ce que ça va être le jeu qui va peut-être me faire acheter une Vita? Pense pas. Mais. Hey, non, mais sérieux, il n'y a rien, cette maudite console-là. Non, il n'y a rien. Puis, pour faire de la peine un peu à Jug, c'est malheureusement, c'est aussi sur Vita que WayForward ont fait enfin un mauvais jeu. En fait, Silent Hill Book of Memories a été codé par WayForward. Tu parles de Shattered Memories? Non, Book of Memories. Ok, parce que Shattered Memories était quand même très bon. Tu peux pas faire grand chose pour une console de merde. Il a des bons. Il a la merde pour arrêter ça. Dans une minute. C'est dans une minute. Écoutez, moi, la Vita, il n'y a rien qui m'intéresse. Puis le pire, c'est que je suis dans le métro de Montréal, puis je vois à peu près une fois ou deux jours, tout haut, une personne, genre, qui a une Vita dans les mains, puis je suis comme... Ça, toi! Hey, tu dois jouer un jeu de PlayStation 1 là-dessus, là. Ben, ça veut dire que la librairie est pas impressionnante, on s'entend. Non, vraiment pas. Je trouve plus de jeux... C'est quoi les plus intéressants que tu as sur la Vita? Des remakes? Pour du temps, des collections. Pas c'est vraiment. J'attends. Moi, là, j'attends au E3 une grosse baisse de prix pour peut-être m'intéresser en avoir un. Oui, man. Puis je parle d'une méchante drop, là. Faut vraiment qu'elle perde au moins 75$. Même avec une série. T'as pas plus de jeux, là. Au moins, acheter 2-3 qui m'intéressent, là. À ce moment-là, ça vaudrait la peine d'avoir la console, ouais, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, Ben. Pourquoi payer 250$ pour, dans le fond, pour des remakes? Ben, c'est ça. Tant qu'à ça, je vais jouer sur la PlayStation 3 ou je vais jouer sur la PlayStation 4, t'sais. Ben, c'est ça. Oui. Mais je m'en mettrai. Sérieux, ma 3DS, moi, elle fait la job parfaitement comme console portable, là. Ah oui, oui, oui, oui. L'iPad, c'est la meilleure console portable. Ben, c'est un petit peu encombrant. Tu vois, le chat de Joe est en désaccord avec toi. Man, fuck ton chat. Il aime pas ça. C'est parce qu'il connaît pas la puissance du dark side du iPad. Join the dark side, le chat de Joe. autre nouvelle. Nos chers amis de 3D Realms Interceptor ont décidé de refaire partir le compte à rebours concernant le prochain jeu de la franchise Duke Nukem, même s'ils sont encore en guerre de droits d'auteur contre Gearbox. Oh my god. Attention. Ça parle encore, cette affaire-là. La guerre, faut faire attention parce que peut-être que la guerre est réglée, mais que les deux parties ont remarqué que ça fait beaucoup plus mousser le sujet avant qu'il soit sorti comme jeu, en sachant qu'il y a comme un conflit entre les deux. Puis check bien ça, it's all part of the game. T'imagines-tu l'état d'avant-cas qui est investi si c'est le cas? Non, mais au point tel que, tu sais, peut-être qu'ils disent ça, mais qu'il n'y a pas vraiment de présence en cours et de dispute judiciaire, tu sais. Ouais. Tu sais, je peux dire que je te poursuis, je peux dire un paquet d'affaires, mais dans le fond, on n'a jamais de date en cours. Hein. Ben, je sais que normalement, mais me semble des dernières nouvelles qu'on avait auparavant, c'est qu'il y avait vraiment eu des mises en demeure puis des lettres d'avocat qui s'étaient échangées. Est-ce qu'il y a une procédure en cours? Probablement que moi, si je suis à la place de Gearbox, excuse, mais moi, je ne laisse. N'importe quelle compagnie ne le laisserait pas partir, un personnage. Surtout que Gearbox a acheté Duke Nukem. C'est pour ça que c'est louche, parce que tu sais, les gars de 3D Realm, c'est pas des niaiseux. Tu sais, les gars sont là depuis longtemps, c'est comme des vétérans. Puis tout ce qu'ils font en général, c'est bon. Fait que c'est pour ça que j'ai comme un bémol avec ça. Man. Je te rappelle qu'ils ont fait Duke Nukem Forever. Ben, ils ont commencé, puis après ça, dans le fond, c'est Gearbox qui l'a publié, mais tu sais, le côté nostalgie a fait que j'ai quand même aimé Duke Nukem Forever, mais le jeu, écoute, a été tellement longtemps en développement, là, que ils avaient juste plus le choix de le sortir, parce que ça coûtait trop cher, puis il est sorti comme qu'il est sorti, là, mais tu sais, combien d'autres jeux aussi de merde qui sont sortis, en tout cas. Mm-hmm. Il était correct. Moi, c'était un jeu que je considérais comme jeu de téléchargement. Ça aurait été un jeu de téléchargement à 10$, là, je l'aurais acheté. Mais pas 10$, la crise 10$, c'est vrai. Moi, j'ai payé 10$, puis j'étais content de mon 10$. Ouais, mais t'avais pas payé plus. Combien de temps après? Comme un an après? C'est surpris. Ah non, ça n'a pas pris grand temps pour qu'il tombe à 10$, là. Pas longtemps après, moi, j'avais vu le disque à 30-quelques piastres. Moi, je l'ai acheté à 10$ aussi, Duke Nukem, puis je l'avais acheté pour faire un tour à Noël à un de mes frères, puis il avait pas aimé ça. Ben, ils ont eu plein de problèmes, parce qu'au début, c'était déjà sous le cas de Duke Nukem, le nouveau, puis l'équipe elle s'est faite pitcher sur Prey, qui sont sortis, que je sais pas si vous avez joué à Prey, qui était exceptionnel, c'était super bon, c'était Duke Nukem, mais avec un autre personnage principal, un autre univers, c'était un gars amérindien, puis il y avait une invasion extraterrestre sur sa terre, puis dans son territoire, puis les extraterrestres venaient envahir mais c'était le même gameplay que Duke Nukem, tu sais, exemple, il y a une machine à coke, tu sais, tu peux puncher des affaires pour de la liqueur, le personnage est tout aussi attachant, t'as un gameplay avec des weapons vraiment le fun, c'était Duke Nukem, c'était ce que Duke Nukem, le nouveau, ouais, c'est ça. Fait que pour ceux qui n'ont pas joué, ben peut-être consolez-vous en jouant à Prey. Si Duke Nukem, le nouveau, est à 10$, Prey doit être au moins à 25 cents. Fait que Prey, pour de vrai, vaut la peine. C'est écœurant. Moi, j'ai trippé. OK. Fait que, regardez ça pareil. Hein. Veux pas, Duke Nukem Mass Destruction. Il y a un nouveau compte à rebours en ce moment de 30 jours en date d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 30 jours? Vont-tu avoir une annonce pour le 3? On ne sait pas. On sait pas. Capcom qui ont décidé d'investir 80 millions de dollars dans leur nouveau complexe de recherche et de développement. Il y a une petite annonce qui est apparue embaucher au moins 100 développeurs par an pendant 5 ans et que Game Industry nous rapporte aujourd'hui que Capcom vient d'investir plus de 80 millions de dollars dans la construction à Osaka de deux bâtiments affectés à la section recherche et développement. Vous savez ce que c'est d'habitude, recherche et développement, c'est des nouvelles séries, c'est des nouvelles idées de jeux vidéo, c'est souvent des nouveaux concepts de jeux vidéo. Capcom, pensez-vous qu'ils ont les reins assez solides pour pouvoir se payer ça? Ben écoute, il y a quelques mois, on avait dit qu'ils restaient à Capcom dans leur compte en banque 152 millions, puis là, ça vient de se dire qu'ils ont investi 80 millions à Osaka pour ouvrir un bureau. Ils n'ont pas pris 80 millions qu'ils avaient, ils n'ont pas pris ça dans leur compte de banque. Là. C'est tous des investissements pris ailleurs avec des risques moindres. Ils n'ont pas pris, nous avons 150 millions, prenons 80 dans quelque chose à risque. Tous des portefeuilles, là, dans le fond. Mais la recherche et développement, c'est aussi pour les outils qui sont utilisés par l'équipe de développement. Là. C'est genre améliorer les engins, trouver des nouveaux outils. C'est pas tant la conception de jeu, c'est plus tout la bagatelle alentour, en fait. Mm-hmm. Fait que ça va peut-être les aider à avoir des meilleurs jeux s'ils sont capables d'avoir des meilleurs engins. J'avoue, parce qu'on regarde les moteurs de, des différents jeux qu'ils ont utilisés dernièrement. Je pense à Resident Evil 6, c'est pas le meilleur engin qu'ils ont utilisé. Là. Non, en effet. Moi, j'ai envie de me dire le chat, il m'énerve. Ça peut être mieux. Tout le monde sait que de toute façon, Capcom va faire Street Fighter 35 et Megaman 72. Fait que, à place de Megaman. Pas parler de Megaman. Là. Non, non. Il ose pas faire de quoi avec Megaman, là, c'est quasiment insultant. Faudrait vraiment que ça arrange là, pour. Vendez donc ça à Nintendo, Megaman. Si Nintendo serait capable de faire quelque chose. Tu vas en faire inactivé. Non, autoriser le board game Megaman sur Kickstarter. C'est clair, Capcom? Ouais. Green light et ça, là. Non, ils ne vendront pas Inafude. Inafude, il n'y a pas assez d'argent pour acheter ça. Non, mais Megaman, le board game, en fait, c'est une compagnie qui fait déjà des board games de d'autres jeux. Ils ont déjà des licences de Capcom. Ouais, mais il me semble qu'ils avaient été sur le hold à cause qu'il y avait de quoi un litige avec. Ouais, ils attendent d'avoir le OK, mais à mon avis, c'est juste une question de temps. Là. Ils ont tellement d'autres licences que c'est ça m'étonnerait qu'ils ne puissent pas avoir Megaman. Il est super bien fait le jeu sur Kickstarter. Là. Ça a l'air d'être le même principe que battre les boss, puis t'as comme un board. Là. En tout cas, ça a l'air hot. Ouais, j'ai hâte. J'ai fait un article dessus, j'ai un méchant bout que je l'avais trouvé aussi, puis il avait vraiment, vraiment l'air le fun. Juste un gamer va nous le critiquer de toute façon. Éventuellement. Bon, je suis pas mal sûr de ça. Connaissant l'amour de Megaman pour Jog. Au pire, il faut une collaboration avec Alpha. Ah, oh, ça serait pas pire. Ça serait génial. On a fini par le faire parler un peu. Ouais. On essaye. De toute façon, il va parler beaucoup tantôt. C'est pour ça que je parle pas trop. Là. Ça va être sa franchise qu'on va jaser tantôt. I'm gonna have my time to shine. Ok, yeah. Fait que, non, c'est ça. Je vous parlais un petit peu plus tôt du nouveau mode solo dans Hearthstone qui va s'appeler la malédiction de Naxxramas. C'est une quête qui va inviter les joueurs à explorer les couloirs de la nécropole composée de 5 ailes qui seront livrées aux joueurs une par une de façon hebdomadaire. Donc, vous ne pourrez pas faire ça d'une traite. Vous allez faire ça une fois par semaine. Vous allez avoir une nouvelle aile de Naxxramas qui va être ouverte. Puis, vous allez pouvoir enchaîner les boss au fur et à mesure dans chaque aile que vous allez affronter. Puis, en guise de récompense, vous allez pouvoir mettre la main sur 30 cartes inédites, donc 5 légendaires cachées dans un coffre à la fin de chacune des 5 ailes. Puis, vous allez avoir la chance de ramasser des nouvelles cartes supplémentaires aussi dès que vous allez commencer. Ils vont vous livrer des nouvelles cartes directement quand vous allez commencer à faire le donjon, finalement. Cool. Donc, c'est très intéressant, sérieusement. Je suis rendu accro à Hearthstone, c'est vraiment trop bon. Ben, les gens me conseillent de me procurer Hearthstone. Ouais. Ils vont tout. Je suis sûr qu'il y a une gimmick là maintenant, là, c'est juste. C'est la première étape. Hein. C'est juste pour nous teaser, qu'on soit habitué, qu'on aime le jeu. Deuxième étape, parle dindin, va tout de suite. On va être rendu accro, puis là, ils vont commencer à nous charger pour un paquet d'affaires. Déjà que là, ils chargent, mais on n'a pas encore, on ressent pas le besoin, là, mais ça va s'en venir rapidement. Ben, regarde, même si tu t'achètes pas, en ce moment, moi, je trouve que le jeu est parfait comme il est. T'sais, il te force pas à acheter. C'est comme League of Legends, je veux dire, il faut de l'argent à la tonne, mais t'es aucunement obligé de mettre de l'argent dedans, là. Non, c'est sûr. Mais c'est parce que League of Legends, quand t'achètes, si je me trompe pas, là, je joue pas vraiment, même si t'achètes des choses, ça te rend pas plus performant. Ce que je non, c'est trompe. Ça. La seule chose que tu peux acheter, c'est des skins pour tes personnages ou acheter des personnages d'avance. Parce que t'as deux currency, là, t'as deux types d'argent, celle que tu prends en jouant, puis celle que tu as avec du vrai cash. Le vrai cash peut t'aider à acheter des personnages ou des skins. Puis le cash que tu fais en jeu te sert à acheter des personnages ou à acheter des runes qui te permettent d'être plus fort. On s'entend que Hearthstone, comme plein d'autres jeux, quand t'as du cash, t'achètes tout ce qu'il y a de meilleur. Fait que là, ça te rend plus performant. C'est juste ça que je trouve que ça peut-être va s'en venir dangereux. Pas dangereux, mais... Mm-hmm. Ben, c'est là qu'ils vont chercher l'addiction aussi, là. Oui, c'est ça. Là, c'est justement, c'est comme le pusher là, qui donne un échantillon. Vas-y, essaye, tu vas voir, c'est bon. Ça coûte pas cher. This one is on me. Jusqu'à temps, mon gars, que t'es accro, là, tu te mords les dents, là, puis là, il te vend ça 75$ la carte. Ouais, mais ça, tu peux me demander à moi ou... Ah ouais, tu consommes de même, toi? Non, mais écoute, il y a un temps où que je compétitionnais beaucoup à Lord of the Rings cartes. Et les cartes chères que j'allais chercher pour mon deck de Nazgûl me coûtaient très cher. T'sais, j'ai joué à Magic pendant longtemps. Pendant un bout, j'ai comme initié mes amis, mais dès que ça commençait à devoir payer des cartes 25, 30, 40 piastres, la carte avoir des decks qui vaut 1000 piastres, là, c'est comme, oh boy, non, mais j'ai comme, j'étais turné off, cet aspect-là, pas compétition, c'est correct, c'est un jeu compétitif, mais non, c'était plus dans mes cordes à ce moment-là. Là, dès que je commence à débourser pour être in the game, non, ça c'est pas pour moi, ça me tente pas. Moi, tu vois, j'ai beaucoup investi. Dans Magic aussi, j'ai peut-être investi un 200-250 piastres de base pour me procurer mes cartes. Mais quand à un moment donné, je me suis rendu compte que mes cartes, je peux plus les utiliser. On est rendu dans un autre set. Puis comme non. Non, je commencerai pas à m'investir un montant X pour chaque fois que je veux faire un bon deck, là, tu sais. Non, c'est ça, j'aime l'affaire, l'aspect, je pense que c'est Arena, mais il faut que tu payes pour faire l'Arena où ils te pitchent des cartes. Puis là, je pense qu'on a tout le même lot de cartes, puis là, on se forme des decks, un peu comme... Ouais, ça, c'est des... Des drafts. Ça. Oui, des drafts. Des drafts, mais c'est comme un petit peu quand tu joues avec un... Tu sais, quand tu joues à Magic, puis t'achètes une boîte, là, c'est un tournoi, là, un sealed deck, là, whatever. Mm-hmm. Là, tout le monde ouvre les boîtes, puis... ça, je trouve que c'est juste. Là, c'est toi comme gamer, par rapport aux mêmes cartes que moi, environ, comment que tu vas... optimiser ton jeu. Surtout que tu peux pas prédéterminer quelle sorte de deck que tu vas faire avec ça, parce que tu sais pas que c'est à quoi t'attends. Non, c'est ça. C'est ça qui donne une belle opportunité. Là. Fait que tout le monde, c'est juste pour tous. Mm. Sinon, autre nouvelle, on y va avec la nouvelle mise à jour de ceux qui possèdent une Xbox One. Mm. Ça a planté. Ben, en ce moment, je vois les détails de la mise à jour, je sais pas si ça a planté. Je vais vous dire, si vous avez une Xbox One, qu'est-ce que vous allez avoir de plus? Alors, ceux qui vont avoir une nouvelle mise à jour de leur Xbox One, ils vont retrouver une nouvelle barre de progression pour les sauvegardes. Une amélioration pour rendre plus visibles les applis en cours de mage ou de qui l'ont été récemment. Les mises à jour, désolé. Support du 50 Hz pour les Blu-ray. Ajout de notification lorsqu'un ennemi se connecte en ligne. Ajout d'un indicateur pour montrer quels amis sont en train de jouer en ligne. Ajout d'un indicateur pour montrer les jeux appli favoris de ses amis. Amélioration Kinect et de l'adaptateur casque. Amélioration de la qualité de compression du game DVR. Et possibilité de retourner en mode sommeil et donc de faire un redémarrage silencieux après une mise à jour automatique. Moi, j'ai deux questions pour toi, mon Ben. Bonsoir. La première... D'après moi, qu'il n'y avait pas ça au départ, la Xbox One? Ça a l'air que non. Oh, mais poche! Comment tu fais? C'est comme ça, mettons, tu sors la Honda Civic, mais la Accord, elle a plus que la Civic code base. Fait que, d'autres, on n'a pas les fenêtres qui descendent. Si tu veux les fenêtres descendre, il faut t'attendre. C'est des affaires de base, comme tu dis, ouais, surtout que l'ancien modèle avait ça. Et ma deuxième question, c'est, est-ce que ta nouvelle indique, ça pèse combien, ces updates-là? Ah, d'habitude, c'est gros, ça. C'est pas mal, hein? Attends, c'est quoi? C'est quelle mise à jour, à un moment donné, ça prenait... Ben, juste celle de la Wii. La dernière mise à jour qu'on a eue de la Wii U, c'était 1.8 gig, je pense. Oh my God! Combien? Énorme! Ah, t'es gros, là. La grosse mise à jour que j'avais pour ma Wii U quand je l'ai achetée, là, c'était 1.8 gig, je crois. C'est énorme! Ben oui. C'était quelque chose. Fait que non, c'est wow. Fait que je sais pas, je l'avoue, je sais pas combien qu'elle est grosse. J'en ai pas d'Xbox One, puis j'en veux pas non plus. Il y a Nevrose qui nous dit: hey Ben, arrête de rire des membres de l'Xbox One, je vais la dépoussiérer quand il va y avoir des jeux, genre cet automne. Ouais, les Nevrose, en passant, on a eu beaucoup de fun ensemble lors du 24 heures de Sébastien Trottier de Activité DVD. Vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars, ce gars-là. Non, écoutez, même, dépoussiérer, c'est sûr, regarde, tu la dépoussières en même temps que ta Wii, à peu près une fois par année. Tu sais. Mm. Mais je trouve qu'il y a plus de jeux à jouer que sa Wii et sa Xbox One. Ben, c'est sûr. Yeah. Quand tu sors ça, c'est un rituel. Là. C'est tellement comme cachant, tu te la poussières dans un vieux coffre, il te faut des clés spéciales. Puis là, tu les rentres. Chris, faut sortir la Xbox One. Là, tu te rends compte qu'il y a de la poussière dans ton capteur de Kinect, fait qu'il te paye plus. Eh boy, faut pas. tu peux plus ouvrir ton Xbox en faisant Xbox Open. Tu peux dire ça? Je m'en rappelle plus, c'est quoi? C'est Xbox On, quelque chose de même? Xbox On, c'est comme un vaisseau spatial. Non. Okay. OK, ceux qui ont une Xbox One en ce moment là, placez votre MP3 ou votre radio à côté de votre Xbox, on va juste faire un petit test. Xbox One. Send the credit card information to Big Ben. Xbox On. Bon, mais le Xbox On fonctionne seulement si tu as le mode spécialisé pour le power de la console, autrement ça fonctionnera pas. Mais Xbox Turn Off fonctionne tout le temps, par exemple. Bon, ben. On y voit-tu les 5, on y voit-tu en même temps? Quand tu veux. OK. 5, 4. Xbox! Ah, off! Ça va mal, à cause de ce que tu vas avoir fait, là, on va tout l'avoir éteint, tout va l'air allumé. Sur Xbox! On devrait faire un Jean-Marc Parent de nous autres avec l'Xbox. Flashez les Xbox! Mais là, t'invites quelqu'un avec une date, là, t'es comme, ah ouais, je turn on, t'es ton Xbox! Bon, dernière nouvelle, nos chers amis Nintendo ont décidé de nous faire une petite surprise en faisant une baisse de prix pour 3 jeux. Effectivement! Ah bon? Oui, à partir du 22 avril, Mario Kart 7, Super Mario 3D Land et New Super Mario Bros. 2 se vendront au prix de 34,99$. Wow, 5$ de réduction! 5$ de réduction, oh, effectivement. C'est 5$. Ouais, c'est 5$. 12 pouces. C'est ça, je veux dire. C'est plus valide, ça, le 5$ 12 pouces. Il l'a à certains Fabois encore, oui. Ah, ça n'existe plus. À certains. Fait que, je sais pas si, de votre avis, là, c'est, il me semble qu'à peu près tout le monde l'a, ces trois jeux-là, mais c'est tout de même une bonne offre pour ceux qui ne l'ont pas encore. Surtout New Super Mario Bros. 2, je trouve qu'il est vraiment bon en passant. Puis 3D Land aussi. Faudrait que je me tape une game de Mario Kart 7. Ah, en passant, il faudrait qu'on s'organise de quoi au mois de mai pour la sortie de Mario Kart 8? Un tournoi, genre, jusqu'au 100. Ouais, c'est cool! On peut se faire une compétition contre les autres podcasts. Oh! Le message est lancé. Hey man, on se fait un team. Tu sais, on a comme une équipe, là, on a un comment tu appelles ça? Une écurie comme en Formule 1. Ouais. Là, t'as des équipes là, qui sont là, là. Ouais, as-tu que j'écoute ça, man? Au centre. Pas le sauver. Prochain tournoi, man. C'est un tournoi familial. Le tournoi familial et violent, mais familial. Mais vrai familial. T'as manqué. On va sortir au top, man. T'as oublié de mentionner que c'était de la lutte familiale. De la lutte. Comme disait toujours. Hey, pourquoi pas 3-4 jeux, un tournoi, man, contre les autres podcasts. C'est de choisir un membre comme des Olympiades. Ces trois gars-là, c'est nos courseurs. Ces deux gars-là, c'est les gars de genre Street Fighter. Puis genre, un combat chacun. Un tournoi. Mm-hmm. Ça pourrait être très très intéressant. Il y a un trophée. On lance l'idée. On peut même en faire une levée de fond. Là, on fait juste parler pour parler. Là. Un balado trophée. Un balado trophée. On rend ça intéressant. En effet. Mm-hmm. Très très intéressant. Alors au mois de mai, préparez votre copie de Mario Kart 8. Vous allez peut-être nous affronter. Moi, ça finit mes nouvelles de mon côté. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté? Oui, ouais, j'ai. Ben, vas-y en premier, antithèse. Non, vas-y, toi, Joe. J'insiste. Vas-y. Oh, vas-y. Toi! Ok, d'abord, on va y aller. Juste pour qu'on active. Je suis heureux de vous dire, ben heureux, que officiellement, en 2015, il y aura la suite de Wreck-It Ralph 2! Wouhou! Woo! Nice! C'est bon ça, Wreck-It Ralph. Mais on n'a pas de nouvelles de plus, par exemple. Je sais pas si... À part que Vanellope va être encore... va être dans le film, Ralph, c'est sûr. j'ai enfoncé ça en checkant le site de Sarah Silverman qui a fait la voix originale de Vanellope. Mm-hmm. Fait que c'est officiel. Wreck-It Ralph sera surveillé pour 2015. C'est à la base, vas-y. Ouais. Là, moi, je me demandais, est-ce que ça va rentrer dans la série Les Classiques de Disney? Parce que dans la même optique, il y a aussi Disney travaille aussi pour d'autres films qu'on entend depuis un bout, genre c'est quoi ça, Peter Pan. Ben a montré Peter Pan. Ouais, il est allé. C'est un ou le deux, ça? Un. J'ai pas... en Blu-ray. Quoi, ouais. C'est bon. Peut-être Blu. Hey, je me prépare, moi, là. J'ai du fun à regarder ça. Mais, bon, OK. Maggie Lune est arrivée un vendredi soir, elle était comme, what the fuck, elle est en train de me regarder en train d'écouter la petite sirène. Ça, oui! Man, qu'est-ce que tu fais en train d'écouter la petite sirène? Il n'y a pas de différence entre écouter Peter Pan et la petite sirène dans un contexte narratif. Fait il y a le droit. Dans un contexte, c'est quoi? On va prendre le départ de Ben. Un contexte narratif, c'est un prétexte, OK, on s'entend. Il n'y a aucun homme adulte qui écoute la petite sirène le soir pendant que sa blonde va travailler. Puis quand elle arrive, elle dit « Qu'est-ce que tu fais? » J'écoute la petite sirène. Elle travaille pas, en plus, elle est à côté. Elle travaillait pas, elle était à côté. Elle était dans la chambre d'ordi. La blonde était... OK, je pensais qu'elle arrivait à la maison. Mais... Non, elle était dans la chambre, mais elle était en train de jouer avec sa mère, puis elle me voit. « Qu'est-ce que tu fais là? Écoute la petite sirène. » Elle est venue se joindre à moi. Elle en a écouté la petite sirène. Ouais, c'est parfait, ça. D'autres bonnes raisons d'écouter la petite sirène. Tu pars ben, c'est ça. Avec ta douce. C'est ça. Ok, j'ai passé du bon temps. Bon, hein, Marilyn est en train de mourir dans World of Warcraft en passant. Fait que là, on va y aller avec Joe. T'as ta nouvelle? Ben moi en fait, c'est juste pour dire que j'ai continué encore à ramasser du stock pour le sac surprise d'arcade. Ah oh, man! Ça s'en vient. Alors, regarde ça, mais tu fais juste regarder. C'est un preview, ok? C'est quoi ça? C'est qu'est-ce que c'est? Dans le bout de la RDG. Quoi ça, man? C'est un Godzilla? C'est un Cobra! Oh man! Tu l'as spoilé, man! Aïe aïe aïe! C'est bon. Cobra! Ok, c'est correct. Mais là, tu me l'as spoilé. La surprise n'est plus la même, mais t'as eu ma réaction de live. T'inquiète, j'ai trouvé aussi une petite affaire que je pourrais mettre dans ton sac cadeau. Mais là, montrez-moi pas tout, là. Ben, montrez-moi, là, ça me dérange pas. Là. Il y aurait juste plus de surprise. Je vois tout... La vidéo, ça va être moi qui ouvre le sac puis qui pitche vos affaires. Je vais trouver une manière de détruire chacune des choses que vous m'avez données puis je vais le filmer. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles aussi? Non. Avant qu'on aille voir nos amis sur le chat YouTube. Non, oui, Etienne est gratuit à Xbox Live Gold. C'est cool. Je peux pas dire plus. Je suis pas un fan de la série. Ah, moi oui. Donc, on va aller voir nos amis sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils nous jasent en ce moment? Ça jase, là. De petite sirène. De petite sirène, évidemment. Non, pas vraiment. Névrose qui dit la petite sirène. Dites de quoi les vrais mâles sur le podcast. Névrose parle d'un rabbin intéressant. Je suis microplay pour une précommande Mario 3D World. Oui, c'est vrai. Un 50% de rabais sur. Sur une sélection de 3 jeux, donc vous avez la chance Donkey Kong Country Tropical Freeze, 3D World ou. Quoi le troisième jeu? Wii U Party. Wii U Party. Mario Kart 8 chez Microplay, Mario 3D World, Donkey Kong Tropical Freeze et Wii Party U sont à 50%. Ouais, on n'a pas commandé de microplay, nous autres, man. On devait faire un microplay dans le podcast, hein? Ben, moi, j'ai pseudo commencé pas vraiment par microplay, vu que j'ai un microplay qui est à 10 minutes de chez moi, là. Fait que moi, je suis hot. On va s'arranger. Deux minutes de chez moi. Hein? Ah, fuck! On va faire un podcast. Ouais. Un podcast live au micro-play. Juste un gamer va s'occuper de la promotion et de la distribution. C'est notre gars de marketing. Ouais, j'étais un gamer. Tu canalises. Je vais trop réjouir. Tu canalises tes énergies pour le podcast, man? Ça a pris. Attends tantôt, ouais, parce que c'est pas mal lui qui va juste jouer tout seul. Nous autres, on va tout seul à gâte. On y verra que du feu. Yeah. Sinon, à part ça, on a Kevin Dory qui dit « Moi, je préfère 3D Land à Mario 2, mais qui ici a acheté les DLC de New Mario 2? Je n'achète pas les DLC sur 3DS. » Les seuls DLC que j'ai acheté, c'est sur Final Fantasy Theater Rhythm. Ok. On a Névrose qui dit « Je suis prêt à vendre mes services de Mario Kart 8 comme un mercenaire. Je peux même enregistrer le tout. » Alors, un chasseur de primes pour nous affronter durant le... Mais nous, on est des vrais guerriers. Oui. Parce qu'on a juste un gamer. Tu vas tout faire ça maintenant. Ouais. Juste un gamer est un vrai guerrier. Un homme. Un vrai homme. Dans une ville, un homme de Québec va vaincre la bombe. Et un gnome qui s'appelle la bombe. Il deviendra Super Jog. Oh mon dieu. Si je fais ici. Il combat les criminels, joueurs de Xbox One. Il combat l'un après l'autre. Tous ceux qui ne connaissent pas Dragon Quest, il les bat à mort avec le maire la bombe comme sidekick. Petit la bombe. Moi, je vois tellement genre le maire la bombe en arrière avec une un déguisement de type passe-partout dans Fort Boyard là. Oh my god. Je vois tellement de même là. Ah, oui. Bon, mais hey, on est rendu avec le maire Coderre à Montréal, on s'entend. Ouais, là. Ah, c'est, dans une semaine, il va y avoir une annonce qui va être corrompue. C'est comme un après l'autre. Man. Mm. Ah, on est-tu rendu un podcast de politique? Ça, on avait dit que. Nous, on parle des vraies choses de la vie. Les vrais le gaming, c'est tout ce qui compte dans la vie, tabarnak. Ouais, puis notre tournoi de balado-diffusion, man. Ouais. Oui. Oui. Hein. Balado diffusion. Le back-kick de Jog Carpaval Nordique. On attend réponse des autres podcasts, man. Puis je demande à Maxime Duclos de devenir notre arbitre. Oui, il faut un ref, man. Il faut un ref avec un ref. Oui, c'est vrai. Non. Maxime Duclos va faire une très bonne job vu qu'il s'occupe de Parlons Balado. Je pense que c'est lui qui est le plus neutre dans tous les podcasts pour s'organiser ça. Ah, oui. On aurait un photo finish, man. Un photo finish? C'est quoi un photo finish? T'as jamais vu comme les courses de chevaux sont tout à un côté de l'autre, puis t'as le photo finish avec Oui, c'est vrai. On aurait. Une fois passé ou whatever. Hein? Puis moi, je trouverais un challenge, genre à track and field. Fait qu'une affaire de merde, il faudrait faire track and field, chacun trouverait un genre de challenge. Yeah, my, ok. Parce qu'on va me voir sur le tapis, va être. Moi, je me casserai pas la tête à courir, moi, le faire sur le tapis avec les mains. C'est de la triche, le juge s'y fait bien. La juge. L'arbitre. La juge. Il va dire que c'est une compétition art sportif, hein. Fait que t'auras pas le droit. C'est marqué où dans les règlements, hein? C'est marqué où dans les règlements? Ah là, faut faire une bible de règlement avant le tournoi, là. Ah ben là, on n'a pas le choix, écoute. Tout le monde peut essayer de faire dépasser les petites vites. Ah, c'est comme ça que tu veux, c'est correct. Mais tu sais, on est dans la même équipe, man. Ok, c'est correct, fais ce que tu veux, ça te permet de gagner. Ouais, mais de toute façon, on sait toute la team des accros va réussir à gagner. Venez nous montrer les autres podcasts. On veut un challenge, on veut vraiment avoir du challenge. C'est un open challenge, là, vraiment, là. Oh oui! It's fun. Un open challenge, puis avec des équipes. Puis ça serait pour une bonne cause. Hein? On serait-tu capable de trouver ça? Puis on trouverait un store qui veut nous sponsoriser pour la bonne cause. Puis on ferait ça live là-dedans. Puis on est même prêt à faire quelque chose pour que vous réussissiez à nous planter. On va être sous. Oui, ben là, je sais pas si on peut boire dans le magasin qui va décider de nous sponsoriser. On pète tous les jeux du micro-pli. Ah, c'est le vagabond de la merde! On pète les comptoirs. Non, non, mais on peut faire que l'équipe qui perd aurait des conséquences. Comme quoi? Faire un lavoton. Faire un lavoton pour récupérer plus d'argent. Tu as dit qu'on a acheté une Vita, Joe? Non, dormir avec Beta. Dormir avec Beta? Oh, man! T'es mean! Est-ce que toi, t'as fait de l'expérience, Ben? Hein? Est-ce que toi, t'as fait de l'expérience, Ben, de dormir avec Beta? Non, mais écoute, il y en a un qui est rendu... Tu vois, il y en a un de notre membre d'équipe qui parle plus à cause de ça, là. Il est traumatisé à vie. Regardez, juste un gamer. Oui, il a l'air de filer dedans dans ta barouette. je pense qu'il est occupé à jouer à Zelda sur sa 3DS, mais bon. Non, il joue à Dragon Quest sur Dragon 3DS. Comme un X. C'est ma 3DS. C'est même pas vrai. T'es rien qu'à tu l'as échangé quand t'es même plus dans le cadre. Tu sais, comme tu ressors, c'est une autre affaire. Hey, j'ai joué en rétro qui dit « Ce que Big Ben dit pas, c'est qu'il écoutait la petite sirène avec une couronne, une fausse barbe et un trident. » Oh oui, man! Yes! Avec ton kit de, tu sais, l'affaire de one leg, là, genre t'avais deux jambes dans une affaire de petite sirène, là, petit ben. Oh, oh ouais, hey, moi je veux être un triton. Je suis une sirène! Je suis une sirène! Devant ta belle-mère. Et là, qu'est-ce qui se passe, Ben? Je suis une sirène! Je suis la plus belle! Je suis la plus belle avec deux coquillages sur les couilles! Merci pour le mal mental. Hélène, elle n'a pas entendu ça, mais je pense que quand elle va écouter le podcast, on va faire « Oh non, tabarnouche! » T'es dans la cuisine, tu es dans la cuisine avec sa mère, puis là, t'es là avec ton trident, tu prends comme un morceau de ce qu'il mange, là, puis là, tu vas y chercher. Sa mère parle à sa fille, tu vois juste un morceau de trident comme qui picasse un peu partout. C'est comme un morceau de la bouffe, c'est comme voyons Chris. Ok. Ça va, ça va. Bon. On prend ton souffle, on prend ton souffle. On va prendre mon souffle. Bon. On part de ça le sujet. Je pense que Jug a hâte de jaser notre sujet aujourd'hui. Ben oui, toujours. J'ai toujours hâte de jaser n'importe quel sujet aujourd'hui. Mais là, c'est un sujet en particulier parce que c'est ta spécialité. Parce que c'est un sujet que je connais. Les vraies affaires. Oui, effectivement. Toi, Jug, tu connais deux choses en particulier. Tu sais charmer les dames et tu connais très bien Dragon Quest. Alors, parle-nous de ton deuxième sujet. The Dragon Quest. Hey, mais ceux qui connaissent pas c'est quoi Dragon Quest, faut les expliquer où est-ce que ça vient pour commencer. Dragon Quest, c'est connu surtout en Amérique du Nord dans ses débuts sous le nom de Dragon Warriors. Donc, si vous avez Dragon Warriors dans votre collection NES, ben c'est Dragon Quest. C'est une création de Yuji Horii qui travaille pour Armor Project. En fait, c'est sa propre compagnie qui a été commencée et publiée par Enix avant le merger avec Squaresoft qu'on connaît maintenant sous le nom de Square Enix. Vous allez sûrement remarquer le design de la plupart des monstres, des personnages. C'est celui qui fait Dragon Balls, donc Akira Toriyama. C'est lui qui a tout fait les designs de tous les monstres, tous les personnages. Je pense même des designs de certaines cartes aussi. Mais il faut pas oublier le compositeur musical qui a fait toutes les musiques de la série, qui est Koichi Sugiyama, si je me souviens bien. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient vraiment travaillé sur la composition musicale. Il faudrait que je revérifie. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi Dragon Quest, c'est une série de jeux de rôle qui a comme thématique dans tous les jeux la bonne vieille dynamique entre les bons et les méchants. Donc, comme c'est japonais, on parle là, de combat tour à tour, gestion d'équipement, comme la plupart des RPG standards. Il y a 10 jeux dans la série principale. Le 10, c'est un MMO qui n'est pas sorti encore ici. Et je doute vraiment que ça va se faire. J'aimerais bien, là, mais je pense pas que ça va se faire en Amérique, malheureusement. Je vois pas comment... C'est dommage un peu pour un gars comme toi qui adore la série. Hein? C'est dommage pour tous les fans de Dragon Quest parce que moi j'ai essayé le début de la bêta, même si c'était en japonais, c'était facile à comprendre quand même parce que si tu avais déjà joué à Dragon Quest, tu savais un peu où est-ce que tu t'en allais. puis j'ai bien aimé ça. Ça ressemblait à, un peu à Dragon Quest VIII sur la PlayStation 2, mais en mieux, visuellement. Et je trouve ça dommage qu'on ne pourra pas l'expérimenter ici, surtout qu'il est sorti sur PC au Japon. Là. PC, t'as dit? Oui, il est sur PC maintenant au Japon. Fait que peut-être qu'il y a une chance que ça sorte ici, mais à date, il n'y a pas eu d'annonce là, dans ce fait-là. Est-ce que tu veux également nous parler des jeux dérivés de la série? Les jeux dérivés. Eh bien, écoute, avant de parler des jeux dérivés, il faut parler de tous les jeux qu'il y a eu sur toutes les consoles. Parce que, okay. Tu sais, je veux dire, il y en a 10, mm-hmm. Mais il faut vous dire où est-ce qu'ils sont placés, là, les 10. Là. Ouais, t'as les 4 premiers au Nintendo. Mm-hmm. T'en as eu deux qui ont sorti au Super Famicom. Je compte pas les deux remakes, là. Je compte juste le Dragon Quest 5 et 6. Okay. Un au PlayStation qui est Dragon Quest 7. Mm-hmm. Un au PS2. Et il y en a un au ODS aussi. Puis le disque, il a sorti sur la Wii, Wii U puis PC là, au Japon. Comme tu as dit, oui, il y a des dérivés. Il y a des tonnes de remakes aussi. Notamment sur Super Famicom et DS. Super Famicom, on a eu Dragon Quest 1 et 2 sous la même cartouche en remake. Mm-hmm. Dragon Quest 3. Au 3DS, présentement au Japon, il y a Dragon Quest 7 en remake, qui n'est pas sorti encore ici, mais je m'attends à ce qu'il l'annonce au E3 cette année, c'est certain, parce qu'on a eu les autres au DS. Le 4, 5, 6, on les a eu en remake sur le DS, donc je m'attends à ce qu'on aille celui sur 3DS ici, ça c'est certain. Okay. Je sais pas s'ils vont l'annoncer au E3, mais peut-être après le E3, là, mais ça serait bien. Là. Je pense que l'idée de base, c'était de le sortir, mais je pense que Bravery Default a pris toute la place cette année au point de vue Square Enix, puis ça a été quand même un gros succès, ce jeu-là. Ah, oui, énorme succès. C'est sûr, ça laisse quand même la chance à Dragon Quest 7 de prendre une partie du marché là, plus tard dans l'année pour les RPG sur 3DS, là, certains, ça c'est certain. Pour ce qui est des jeux dérivés, t'as la série Slime Mori Mori. C'est sûr qu'on connaît pas ça ici, mais ça a commencé au Game Boy Advance au Japon. Ici, on a eu celle-là, le 2 qui est au DS, qui s'appelle Dragon Quest Rocket Slime. OK. Et dans le fond, c'est un peu un genre de mix de jeu Zelda avec un jeu de stratégie. Où il faut sauver tous nos amis slime de notre Slime Village, puis dans les donjons, t'as des combats avec un gros tank de chaque côté, puis les ennemis, puis les munitions pour les deux tanks, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des branches d'arbres, des épées, des boucliers, des tomates, ou whatever. Puis là, faut que tu les mettes dans le canon toi-même pour les tirer l'autre bord, pour éventuellement détruire un peu le tank, pour aller dans le tank après pour détruire le cœur du tank. Et c'est assez cool, là, sérieux. Puis les autres spin-offs, on a eu un genre de dungeon crawler avec un personnage de Dragon Quest 4 qui s'appelle Talon, qui était une espèce de vendeur d'armes ou d'items, whatever, un peu corpulent. Puis ça a fait une série là, jusqu'à 3-4, je pense. OK. Puis t'as également... question? oui, je vois aussi également qu'il y a des mangas et des animes. Est-ce que t'en connais un petit peu ou... Sur le manga et l'anime, j'en connais pas tant que ça parce que je les ai pas checkés. Je sais que dans le temps, dans les années 80, il y avait le Dragon Warrior en cartoon qui passait même ici en Amérique. Là, mais... T'as demandé si tu connaissais le cartoon? Non, ben je le connais, mais j'ai pas suivi. Là, c'est pas. Ben, il y avait Fly qui avait été traduit en Amérique du Nord. Seulement, c'était très bon. Là. Ouais, il y avait comme un boss de glace puis un boss de feu, là, où il était glace-feu, moitié-moitié. C'est possible, ça fait longtemps. Mais je me rappelle que tout au long de l'aventure du manga, à chaque page, tu voyais le niveau de tes personnages, leur classe puis leur équipement. Un peu comme Dragon Quest, c'était vraiment, vraiment nice. Il y a une autre série que j'ai oublié de parler, Dragon Quest Monsters. Ah, oh, ouais. Pour passer à côté. C'est un autre spin-off très populaire. Le premier Dragon Quest Monsters est très bien vu par la communauté de ceux qui aiment les RPG. Dragon Quest Monsters, dans le fond, c'est la réponse d'Enix à Pokémon. Ça reste un RPG. Le but, c'est de se battre avec des monstres puis contre d'autres monstres puis capturer ces monstres-là pour en faire d'autres. Tu peux pas, genre... brider là, deux monstres ensemble pour puis les garder. Il faut vraiment que tu les fusionnes ensemble pour donner un autre monstre puis augmenter tes statistiques à longue pour faire des meilleurs, plus forts monstres pour plus avancer plus rapidement dans le jeu. Il y en a eu deux au Game Boy Color. Trois, si tu comptes le premier, mais il y a eu deux du 2 qui ont fait un peu comme Pokémon. Là, c'est que tu as deux personnages différents, mais pour le même jeu sur deux cartouches différentes. Il y en a eu un Game Boy Advance qui s'appelle Caravan Hearts, mais malheureusement, il n'est jamais sorti ici. Puis c'est un très bon jeu. Moi, j'ai une reproduction en anglais, puis j'ai l'original aussi, fait que j'ai pu jouer beaucoup. On a eu au DS DQM Joker, puis DQM Joker 2. Ça, c'est quand même disponible. Si vous aimez Dragon Quest et que vous n'avez jamais joué à Dragon Quest Monsters, vous pouvez commencer par Dragon Quest Monsters Joker. Allez n'importe quel micro, pour Microplay. Vous allez sûrement vous trouver une copie facilement. Au Japon, ils ont des Dragon Quest sur la 3DS qui malheureusement ne sortiront pas ici. J'ai parlé du 7 tantôt que j'espère toujours qu'ils vont annoncer, mais il y a deux remakes des deux premiers Dragon Quest Monsters. Disponible là-bas qu'on verra jamais certains ici, ça c'est certain. Je vois même pas de lueur d'espoir d'avoir ça ici. Moi je les ai sur ma 3DS japonaise, là, mais ça serait bien d'avoir une version que je suis capable de lire. Mm-hmm. Surtout ouais. Pour le 2, parce que l'histoire du 2 est quand même bonne. Hein. Le 1, c'est trop vraiment d'histoire, tu peux facilement se retrouver. Allons-y, le premier, je pense que c'est pas mal celui que tout le monde a déjà joué, mais. Tu parles du Dragon Quest Monsters? Mais je parlais plus de Dragon Warrior. Ah, ok. On va parler du premier Dragon Warrior pour commencer, vu que c'est celui que nous, on a plus connu aussi en Amérique. On s'attend que le premier a été... Les gens le voient plus souvent à cause d'une promotion de Nintendo Power. Oui. Oui. Oui. Alors, ceux qui se demandent c'était quoi cette promotion-là, eh bien, les détenteurs de Nintendo Power ont reçu dans les années 87-88, je crois, lorsqu'ils s'abonnaient à Nintendo Power, ils recevaient un jeu. Et le jeu qu'ils recevaient, c'était Dragon Warrior. Fait que, bon, qu'est-ce qui se passe dans Dragon Warrior 1? Faut sauver une princesse, puis tuer un gros dragon méchant. Eh oui, c'est tout. Fin de l'histoire. C'est super basic comme histoire, mais ça fait sa donne. Mm. Parlons du problème d'influence du premier jeu. Qu'est-ce que ce jeu-là a apporté au monde du roleplay? Ben, ça a apporté... en fait, je pense que c'est Dragon Warrior, le fait qu'il l'ait offert gratuitement avec Nintendo Power, c'était pour faire connaître le genre à la population nord-américaine, parce que les RPG n'étaient pas commencés à être répandus bien. Mm-hmm. Je pense qu'il est sorti avant Final Fantasy aussi, ça se peut-tu? Qui est sorti en même temps que Final Fantasy? Avant Final Fantasy. Oui, il est sorti avant Final Fantasy. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le genre RPG venait pas mal de commencer sur NES en Amérique du Nord. OK. Puis je pense que la promotion de ça, c'était pour faire connaître ce genre de jeu-là, puis la série aussi, voir aussi tester le marché, tant qu'à ça. Mm-hmm. S'il y avait beaucoup de monde qui s'abonnait à ça, ben, ça veut dire qu'il y avait un intérêt particulier aussi. Effectivement. Puis la série a pu continuer sur Nintendo avec Dragon Warrior 2. Oui, qui était un des meilleurs, je pense, sur la console, sur la quadrilogie NES. Moi, tu vois, le seul que j'ai joué, c'est le premier. Je sais que mon cousin a beaucoup joué à Dragon Quest 2 au NES devant moi. Puis lui aussi, il disait que c'était un excellent Dragon Warrior. Oui. C'est quoi l'histoire de Dragon Quest 2? Écoute, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens même plus. Oui. Mais en fond, c'est la continuité de l'histoire du 1. Ça se passe dans le futur du 1. Là. Puis mm-hmm. Là, ce qui a changé surtout, c'est le fait que là, t'as une équipe d'aventuriers au lieu d'être tout seul. Oh, c'est que la grosse différence. Mais on voit toujours en vue comme first person pour les combats. Ouais. Après ça, on a le troisième. Oui, avec un système de classe. C'était cool. T'avais un système de classe dans celui-là? Oui, tu peux choisir genre ceux qui allaient t'accompagner avec toi, genre un guerrier ou un. Tu peux choisir le sexe, puis ça fait de même. Ah ouais? Okay. Choisir du sexe? Non. Non, on sait pas que t'as besoin présentement, Arcade, là, mais on parle pas de ça durant le podcast. Non, parce que j'ai organisé des dates que tu sais. C'est ça. Je dirais, mais on continue. Je t'écoute. Le jeu était tellement populaire, en plus Dragon Quest 3, qu'ils ont déclenché une émeute à sa sortie. Les Japonais préféraient sécher Echo plutôt que de louper la sortie du jeu. Mais oui. Il y a pas une loi qui est passée après que c'était interdit de sortir à Dragon Quest. Dans la semaine. Dans la semaine. Oh, wow! C'était rendu à ce point-là. Fait qu'il y a eu 3,8 millions de copies vendues du Dragon Quest 3 au Japon. Fait que ça a été très, très bien vendu. Et le jeu est placé troisième des meilleurs jeux de préférés des lecteurs du de magazine Famitsu, juste après Final Fantasy X et Final Fantasy VII. Même pas pire. Ouais, très intéressant. Dragon Quest IV, un jeu moins connu, je te dirais, ici, sur la NES. Ouais, parce qu'il est sorti à la fin du cycle de la NES, ici. Hein. Ouais. Mm-hmm. Et ben c'est ça, on commençait, je pense, le Super Nintendo commençait son entrée. Moi je l'ai eu parce qu'il l'avait annoncé et puis je l'ai acheté à sa sortie. Là, parce que quand tu tripes, là. Oui, tout à fait. Mais lui, il était intéressant parce qu'il s'était divisé en chapitres. Puis là, tu revoyais tes autres personnages des autres chapitres au dernier chapitre. Puis là, tu peux choisir qui allait t'accompagner dans une espèce de petite caravane. Puis, OK. Basé sur l'histoire, le 4. C'est ça? Hein? On peut dire que le 4 est plus basé sur l'histoire. Oh oui, l'histoire dans le 4 est plus développée et plus évidente. Après ça, Dragon Quest V. Oui, malheureusement, je m'en sorti ici. Il avait annoncé Nintendo Power puis j'étais tellement déçu. c'est le premier qui est sorti sur la Super Famicom, si je me souviens. Ouais, c'est le premier qui est sorti sur la Super Famicom. Tu as eu la chance de jouer au remake sur DS? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas le meilleur de la série. Moi, je vais t'avouer, il est bon pareil, là, mais c'est un bon RPG, là. J'ai pas quoi dire de plus là-dessus, là. OK. Après ça, on a Dragon Quest VI. Ouais, le Royaume des Songes. Lui, il était pas pire, sérieux. Là. Il y avait du contenu en masse, en tout cas la version DS. J'ai pas joué la version Super Famicom, même si je l'ai, mais parce que j'ai pas de version en anglaise, puis ça me tente pas de jouer avec un émulateur, vous allez comprendre pourquoi. Mm. Mais lui, il y avait du contenu en salle, là, sérieux. Puis il avait rajouté plein de donjons dans le remake, plein d'affaires. Là. OK. Après ça, Dragon Quest VII, qui est sorti sur PlayStation. Mais celui qui avait un PlayStation, vont sûrement se souvenir de Dragon Warrior 7. Moi, j'ai jamais joué à l'époque. J'ai joué récemment parce que j'avais pas de PlayStation à l'époque. OK. Puis avant de me trouver une copie pas chère, complète, quasiment neuve, là, ça m'a pris un crise de bout. Puis moi, je voulais pas avoir de la cochonnerie. Je voulais pas avoir des disques scratchés ou whatever. Là. Puis je me suis trouvé une copie à pas cher, à 50$, Black Label. Oh, wow. Quasiment wow. Sorti de l'usine. Mais il était déballé, mais il n'y avait pas un scratch, pas une saleté, rien sur tous les CD. Là, fait que... Mais c'est crissement long, Dragon Warrior 7, là, sérieux. Oui, là. Ça a l'air que les quêtes sont très longues et. Très, très long. Si tu veux jouer à ça, c'est plusieurs mois. Là. Si tu travailles, tu es à 40 heures semaine, puis tu as une vie, là, c'est plusieurs mois de gaming. Là. Oh mon Dieu. Bon, tu pourras, si tu as une semaine, tu n'en auras pas assez. Là. Si tu es occupé dans ta semaine, tu n'en auras jamais assez. Là. Ça, c'est certain. Si vous voulez commencer à le faire, là, attachez-vous parce que vous ne jouerez pas à d'autres choses. Il faut t'oublier une vie pendant que tu joues à Dragon Quest 7. Je me rappelle qu'un mes chums avait acheté le jeu dans le temps que je travaillais au club vidéo, un petit club vidéo à Joliette, puis. On était rendu, je pense que ça faisait comme 5 mois, j'ai dit, non, t'es capable de jouer à d'autres choses que Dragon Quest? Non. J'ai juste ça à faire. Non, ça prend tout ton temps de roleplay. Puis c'est pas le genre de jeu que tu peux arrêter, puis revenir, puis te souvenir exactement que t'étais rendu. Là. Si t'as le meilleur d'arrêter 2 mois, là, recommence, parce que tu vas être perdu, à moins que tu sais exactement, puis t'as pris des notes de où est-ce que t'es rendu, puis qu'est-ce que t'avais à faire, puis qu'est-ce qu'il fait, où est-ce que t'es allé, là. Et moi, j'avais arrêté après 2 mois de jouer, puis je suis revenu 4 mois après, puis je me souvenais plus de rien. J'ai dit fuck off, on recommence à zéro. Ouais. Dragon Quest VIII, je sais qu'Alpha nous en a parlé un petit peu la semaine passée, lorsqu'il a parlé d'un de ses jeux préférés sur la PlayStation 2. Toi, est-ce que tu as eu la chance d'y jouer? Oui, puis je l'ai fini, puis Chris qui est hot, t'as ce jeu-là. Chris qui est hot. Il est beau, il est hot, il est... Puis il met vraiment en valeur les talents artistiques de ceux qui travaillent sur la série, puis principalement l'artiste qui fait les designs. Parce que là, ils sont vivants, ils sont en 3D, puis toute la kit, là, puis ça bouge. C'est... Et la chose, juste oui. Une petite mention pour le style artistique, c'est la chose qui m'énerve là, avec le 8, là. C'est le fait que tous les personnages, toute la gang ressemble vraiment beaucoup trop à Dragon Ball. Je pouvais carrément mettre des noms aux personnages. Là. Ouais, j'avoue que les designs de Akira Toriyama, ça ressemble beaucoup. Moi, je pense beaucoup au 7, où est-ce que tu vois carrément Trunks et Sangoten sur la pochette. Là. C'est véritablement ces deux personnages-là. Là. En même temps, faut pas oublier que dans le cas de Toriyama, c'est ce que les gens s'attendent de lui. Il se rapproche un peu de Dragon Ball, sinon... Akira Toriyama, c'est que, tu sais, tous ses visages sont similaires. Là, il suffit juste que tu y étiquettes une coupe de cheveux. Une fois qu'à mettons, on t'a mis telle coupe de cheveux splittée en deux à la trunk ou whatever, là, t'es comme, bon, ben, ok, dès que tu vas refaire un autre personnage avec la même coupe de cheveux, t'es fait, il va y ressembler. Sinon, tu sais, je parle du visage vraiment triangulaire avec le menton pointu. Non, mais tu sais, ou sinon, tes personnages, justement, se ressemblent avec les yeux, tout ça, les visages bien fins. Mm-hmm. Ouais. Et c'est sûr. C'est le style de Akira Toriyama. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a même. Tester Alpha, il dit oui, vraiment, Dragon Quest VIII, il est superbe. Oh oui, c'est une toute beauté, c'est une pièce de collection importante, surtout si vous avez la version avec le démo de Final Fantasy. Ouais, j'ai cette version-là aussi. Il reste Dragon Quest IX que moi je possède aussi sur DS, mais que je n'ai pas encore commencé. Alors, avant que Jog vienne descendre à Montréal pour venir me péter à gueule, il va nous expliquer un petit peu le principe de Dragon Quest IX. C'est là que Dragon Quest change un peu parce que là ça de ben en fait c'est comme du Dragon Quest normal mais il y a la passe multiplayer là-dedans. Puis l'histoire du dans le fond le personnage c'est un ange qui est tombé du ciel. Pas de spoiler l'histoire parce que t'as jamais joué. Non, mais, ça je l'ai commencé mais j'ai pas été plus loin. Bon, puis là tu peux créer ton équipe. Un peu comme Dragon Warrior 3. Et tu vois une place, puis là tu crées les personnages qui vont t'accompagner dans ta carte. Fait que là, tu as plusieurs classes, tu peux choisir plusieurs setups combo pour t'accompagner. Ou tu peux jouer en multiplayer. Avec d'autres personnes qui ont créé des personnages, puis que là tu peux faire le jeu avec du monde en ligne. Jusqu'à fin mai. Parce qu'il n'y aura plus de. Non, mais ils vont fermer les services. Ils vont tout ce qui est DS et Wii vont fermer les services en ligne. Fait que si vous voulez. Moi, je n'ai pas profité de ça parce que je trouve que Dragon Quest, c'est encore un des seules séries de RPG qui se doit d'être une expérience single player à part entière. Mais... Donc, la raison pourquoi que. Ben, dans un sens, ça te fait plus ou moins mal de ne pas avoir le 10 ici. J'aimerais ça l'avoir, c'est sûr, mais tu sais, j'aimerais ça qu'il sorte sur un autre nom que 10. T'sais. Pour moi, les chiffres. X, c'est une lettre, ça te convient-tu? Non. Mais ce que je veux dire, c'est que la série principale, elle devrait rester single player. Puis si tu veux faire un Dragon Quest Online, tu l'appelles Dragon Quest Online, puis t'en fais quelque chose contrairement à part. T'sais. Parce que quand t'appelles un jeu Dragon Quest Online, comme tu sais, il y a eu là, Star Wars. Online, ça veut dire que tu dis que ce sera, et c'est le seul qui va être online, parce que le deuxième, là, il va être donc ben laid. Ça s'appelle quoi, Online 2? Mais non, il sera pas en ligne, ça va faire comme les Final Fantasy. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'as comme un chiffre associé à un Final Fantasy Online, t'as pas ça, t'as un Final Fantasy normal. Ben, normal, en tout cas. Mais, non, mais t'as Final Fantasy 11 qui est online, Final Fantasy 15 qui est 14? 14 qui est en ligne, si je me souviens. Ouais, puis 13 qui l'est pas. Là. Ouais. Ta recommandation parmi toutes ces Dragon Quest, lequel tu conseilles au monde de commencer? Ben, si vous avez une PS2, allez chercher Dragon Quest 8, là, c'est certain. Ok. C'est certain que Dragon Quest 8, c'est le l'ultimate Dragon Quest ever. Là. L'incontournable. Incontournable. Sérieux, si vous avez pas. Si vous aimez les RPG puis que vous avez pas Dragon Quest 8 puis que vous avez une PS2, là, il vous manque quelque chose dans votre collection. Il me manque quelque chose dans ma collection. Hé, va chercher vite! Genre là? Là, tout de suite! Go! mais tu sais, pour le fun, Jug, Dragon Quest 8, tu te qualifierais en tant que RPG comment, plus comme style traditionnel ou action RPG en tant que JRPG? Traditionnel, c'est vraiment du tour par tour, puis... Et moi? Traditionnel. C'est du tour par tour, c'est traditionnel. Ok. Je joue... Ce qui est fun là-dedans, c'est comme l'espèce de mode Monster Battle. T'as comme une arène où tu peux capturer des monstres puis aller les faire battre dans une arène en équipe de 3. Un peu comme Dragon Quest Monsters. Ok. Ça, c'est vraiment cool. Ça. Il est pas si cher que ça, Dragon Quest 8, sur la PlayStation 2 en plus. Il est comme. Il est assez répandu puis il est assez abordable. Sérieux? Ouais, il est 28$. J'en ai un ici de 21$. Non, celui-là, il est version japonais. Mais j'en ai un ici, 28 shipping gratis sur eBay. Es-tu en digital? Non, PS2, il n'y a pas de digital. Non, il n'y a pas de digital sur PlayStation 2. Non, Philippe, je veux dire, il faut savoir si ça date dans l'autre sur la PS3. Oh! Ah, c'est ça, je veux dire, il n'y a pas de version digital qui est dans l'audable. Non. Okay. Ben, je sais pas, PlayStation 3, j'en ai pas vu. J'avoue que j'ai pas réellement porté attention, il faudrait que je le fasse. Mais je vous reviendrai peut-être au pays la semaine prochaine, je vais regarder. Des fois, il coûte pas cher. Tu sais, des fois, s'il est à 10$, il peut-être valoir la peine. Effectivement, Fatal Frame 1, 4$, Fatal Frame 2, 4$ également. Si vous avez Android ou iOS au Japon, il est disponible. Sur ton téléphone cellulaire, mon dieu. Ouais. J'espère que tu as une carte SD pour ta place parce que. Ouais, il est sorti le 12 décembre 2013 sur Android et iOS au Japon. Ah, nos petits amis japonais. On les aime. On les aime bien, gros. On va aller voir notre monde sur le chat, voir qu'est-ce qu'ils jasent. Ça jase de... Ah, ça peut se sauver. On a Vitendo qui dit, moi, vous allez me taper dessus car j'ai jamais joué à Dragon Warrior ou Dragon Quest. Ben, t'es pas obligé non plus. Et Névrose qui dit, même pas essayer le premier, ça venait avec les Nintendo Power à l'époque. Alors, mais je suis sûr qu'il doit l'avoir en collection, c'est juste qu'il va se peut-être... Ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui avait des Nintendo Power. Un Nintendo Power, c'était comme un luxe quand même dans le temps. C'était combien à peu près? Parce que c'est pas les kids qui payaient, là. C'est genre des affaires de mandat poste, il fallait que les parents envoient. Ouais, pour avoir un abonnement, je pense que c'était... À l'époque, c'était 30$ par... Pas par mois, là. Pas par mois, mais mettons pour un abonnement de 6 mois, là. Ok, je retrouve. Peut-être que quelqu'un qui a Nintendo Power peut nous le dire en checkant les cartes qu'il y a dans les magazines. Peut-être un abonnement de 15$ par mois ou 10$ par mois. T'avais ta revue shippée. Non, c'est pas 15$. T'es-tu malade, toi? Mes parents, j'ai jamais dit oui à ça. T'es-tu dans le temps 15$? C'était comme payer 45$ aujourd'hui. Malade. Ok, mais d'abord, 5$ d'abord. Non, je pense que c'était environ 30$ par mois, mais ça, ben, par année, excuse. Tu veux tout fucker, c'est pas cool. 30$ par année, là. Mais tu sais, c'était hot, dans le temps, il n'y avait rien d'autre, là. Non, c'est vrai, t'avais, à part la ligne Select Nintendo, tu peux téléphoner pour avoir des affaires. Ben oui, j'ai jamais essayé ça. Est-ce que vous avez déjà essayé? Non, jamais. Hey, c'est quoi le numéro? On devrait réessayer, man. Ouais. On fait genre, on se pogne une ligne web, là, tu sais, mettons une fausse ligne avec le web ou whatever, puis on compose avec une application, juste pour voir. Je trouve ça marche, man. Quelqu'un avait essayé une ligne de 1-800 quelque chose de dans le temps, puis ça fonctionnait encore. Mais on a un de nos fans sur l'ancien forum, ce qu'il avait fait, il avait envoyé un dessin, tu sais, à les anciennes boîtes postales pour les concours de dessin quand on était petit, là. Ouais. Il avait envoyé son dessin, genre, 30 ans plus tard. Puis, il a reçu un retour comme mauvais expéditeur. Tu sais, c'est comme juste pour le trip d'avoir envoyé un dessin, genre à Radio-Canada, tu sais, c'est comme drôle. Là. Okay. On va aller voir. On a Super Dark Zen qui dit j'ai joué seulement au vieux NES. On a aussi des beaux commentaires de Dave Forest sur la dernière vidéo de Vitendo. Alors, on le félicite. J'ai pas eu la chance d'aller le voir encore. Sinon, on demande des questions sur la vie de couple de Arcade. Calisse. Ça a l'air. Il faudrait qu'il y en ait une pour commencer. Ouais, tu sais, écoute, il n'y a pas une fille qui va tolérer une couverte de zèbre, man, dans une maison. Fait que... Quand j'ai parlé à ma blonde de rentrer une couverte de Doctor Who, elle m'a regardé avec des grands yeux. Écoute, comment ça? Voyons donc! C'est, ouais, c'est pour de vrai, man, j'ai comme une pièce, tout ici en l'air normal, ok? Je vais pas parler fort. Tout ça, rapprochez-vous de votre écran. Tout ici, ça a l'air normal. Mais j'ai une pièce cachée dans le fond où est-ce que j'ai plein d'affaires. Puis c'est là que je tourne mes vidéos, là, puis j'ai un Darth Vader grandeur nature. Fait que si je mettais mon Darth Vader à côté de l'entrée, man, n'importe qui dirait que cette personne-là n'est pas sensée dans sa tête. Puis j'avais un Stormtrooper en plus. Fait que t'ouvres la porte, il y a un bar, il y a Darth Vader, puis un Stormtrooper. Ok, je m'en vais. Il y a personne qui va rester là, man. Ben, surtout, mettons, tu te promènes la nuit. Tu sais, mettons, je vais me coucher chez vous une nuit. Laisse-la tuer. Me lève, je vais aller aux toilettes. La première chose que je vois, c'est un Darth Vader. Hey, c'est un papier dispenser, tu sais, il est droit, puis il tient le papier dans ses doigts, là. C'est mon petit. C'est lui, Ben. Ben. Ouais. Je suis ton père. Puis là, le monde se torche sur sa cape. Hey, man, la cape, c'est pas pour s'essuyer. What? Oh my. Joe, t'as-tu un cocktail dans les mains, man? Il doit faire un amaretto sour. Qu'est-ce que tu fais là, man? J'étais jaloux de ton drink, je me suis fait un amaretto sour. Ah, mais là, il est temps que tu te fasses un cop à soupe. Fait que... Faire ça. On parle du chapeau à arcade rétro. On se demande c'est quoi. All hail the chapeau. Nintendo qui dit un commentaire que je peux relater. Trop drôle car chaque fois que j'ai essayé un Dragon Warrior, c'était pour voir si la sauvegarde fonctionnait encore. Donc j'ai probablement passé plus d'une heure de jeu de cette façon. Commentaire, Jug? Ouais, probablement qu'en nettoyant plusieurs cartouches chez jeux rétro rébo de Dragon Warrior, effectivement. Non, mais c'est le plus drôle en parlant de ça. Là. Les batteries, il t'a fait longtemps dans une question de Nintendo. Là. Ouais, mais. Ouais, c'est. Hey, mais j'ai jamais changé ma batterie de Zelda, puis elle marche encore. Elle a quasiment 30 ans. Une batterie de quoi, ça? Le Zelda de Nintendo. Une batterie dans les cartouches arcade. T'es sérieux? Ah oui. J'ai jamais changé. Dans tous les jeux où tu sauvegardes une game, il y a une batterie. Ouais. Ok. Puis ces batteries-là, quelqu'un, mettons, un consommateur, ouais, mais un consommateur, mettons, dans le temps, ça marchait plus, il ne peut pas faire ça lui-même? Non, parce que il y a une vis spéciale qui t'empêchait d'ouvrir ta cassette. Puis qu'il fallait que tu ailles le tournevis. C'est rare, là. Moi, c'est jamais moi. En tout cas, dans le temps, j'ai jamais vu ça. Ok, je pensais que c'était peut-être soudé sur la plaque, là. Non, c'est standard, tu le déclipes, puis tu le remplaces. Ok. Puis c'est des batteries que tu peux trouver à la pharmacie, là. Pour une montre? Yep. C'est des batteries de montre qui sont là-dedans. Le hic, c'est que si ta batterie se décharge, ben tu perds tes savings anyway. Ouais. Fait que tu recommences à zéro pareil. Mm. Est-ce que c'est laid? Alors, non, c'est ça. Nevros nous a sorti les prix pour les Nintendo Power. C'est 3,95 US ou 4,95 canadiens l'unité. Puis c'était 40$ par année pour l'abonnement de Nintendo Power. Nice shit, man. Ok, il a fait un travail de journaliste impeccable. Oui, Nevrose. Qui est très très professionnel et qui a réussi à se taper une nuit de Mario Kart. Pas de Mario Kart, GoldenEye, oui, avec Sébastien Trottier lors du 24 heures de son actualité DVD. Ouais. Alors. Là-dessus, je crois que ça finit notre podcast. On va le commencer avec Antithèse. Comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par antythese@yahoo.ca ou gmail.com. On peut, pour la première fois, j'avais à dire, si vous aussi sur mes vidéos sur Antithèse Tech, je suis également rejoignable de cette façon-là. La meilleure façon demeure cependant sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. Juste un gamer, comment on peut te contacter sur internet? On peut me contacter par l'entremise de ma page Facebook. Vous n'avez qu'à aller sur Facebook, chercher juste un gamer et puis vous pouvez écrire sur toutes les commentaires sur tout ce que je pose sur Facebook. C'est super intéressant. Puis vous pouvez aller sur YouTube aussi puis laisser des commentaires. Je vais essayer de répondre. J'essaye, je fais des efforts. Puis sinon, ben, si vous m'envoyez un message privé, c'est certain que je vais vous répondre éventuellement. Mais la meilleure façon, ça serait d'aller sur le site acrodesjeux.com, sur le forum, puis jaser avec tout le monde en même temps. Puis là, vous pouvez me poser des questions parce que j'y vais tous les jours. Tous les jours, je vais sur acrodesjeux.com. Joe, comment on peut te contacter sur Internet? Premièrement, il y a le forum. Donc, forum des accros des jeux, comme Joe nous a dit, j'y vais tous les jours. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire. On va faire plaisir de vous répondre. Sinon, il y a ma page Facebook à l'entrée du geek et mon site web. Donc, venez faire un tour, venez nous parler. Puis, ça va me faire plaisir de voir ce que vous avez à dire. Arcade, de ton côté? Oui, on peut me rejoindre sur Internet par le biais de Facebook. Vous allez chercher Arcade Rétro, hein, le logo qui est sur le T-shirt. Également sur YouTube, Arcade Rétro 83, avec le même logo. Et si vous ne trouvez pas ces liens-là en faisant la recherche, vous n'avez qu'à aller sur le site d'acrodesjeux.com et de retrouver mon profil. Tous les liens sont là. Et j'invite ceux qui ont liké la page Facebook, ben, allez vous abonner sur YouTube. Et ceux qui sont abonnés sur YouTube, ben, de liker aussi la page Facebook. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez tout d'abord me contacter via la page Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Il y a également le Twitter des Accros des Jeux, @accrosdesjeux. Il y a aussi mon YouTube. Donc, si jamais vous voulez vous abonner à ma page et ne pas manquer les lives des Accros des Jeux, vous pouvez le faire à youtube.com/accrosdesjeux. Il y a également le site internet des Accros des Jeux, accrosdesjeux.com. Le courriel des Accros des Jeux également. J'en ai un bon message d'une personne du nom de Margie Oglor. Ah, ok. C'est Margie. La soeur à Georgina Oglor. Ah, je pense que oui, ça se peut, oui. Okay. T'as l'air à connaître? Non, c'est juste random de même. Donc, qui me dit « Your trusty medical website, just visit and save ». Alors, merci beaucoup de m'offrir de la drogue, mais je ne peux pas... J'ai-tu bien compris? De quoi? J'ai bien compris, your milky website? Non, medical. Medical, oh, c'est pas trop la même chose. Non, toi tu... Non, il faut... Bon, je sais que le lait, c'est ta médecine à toi, mais il y a d'autres personnes, des fois, qui ont besoin de choses un petit peu plus poudreux. C'est moi qui est célibataire, puis c'est toi qui es sourd, hein? On sait ce que ça veut dire, hein, quand les gens n'entendent pas bien. Et il y a également la boîte postale des accros de jeu. Donc, si jamais vous voulez nous faire parvenir quelque chose, un sac surprise oh, pour l'envoyer à Justin Gamer, vous pouvez le faire à Accros de jeu, casier postal 314, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B8. Soyez avec nous la semaine prochaine parce qu'on va parler d'une série qui a été très populaire l'année passée. On parle de l'attaque des titans. On va parler de l'anime et du manga. Alors, soyez avec nous la semaine prochaine. Ça va être le temps de jaser de l'attaque des titans. C'était le Big Ben. Antithèse. Hey, gamer, tu dis-tu ton nom? Oups. Au fond, tu le réessayes. Allô? Ah, allô, oh, attends. Ok, juste un gamer. Rétro. Joe. Pour le podcast des accros, merci de beaucoup d'avoir été présent. Aimez notre page Facebook. Laissez-nous un petit commentaire sur iTunes si vous nous écoutez live en ce moment. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Bye! Bye! Bye. Bye.